بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons nos cours sur le fiqh et nous allons reprendre là où on s'est arrêté la semaine dernière, et notamment le premier chapitre concernant At-Tahara, la purification. Et on a vu que At-Tahara est une des conditions de la purification, de la prière. At-Tahara, la purification, est une condition de la prière, si ce n'est la plus importante des conditions. Et on a dit que la condition se trouvait quand, à quel moment ? Avant l'adoration, avant l'acte. Les conditions, ce sont les choses obligatoires qui doivent être réunies avant d'accomplir l'adoration. Et en l'occurrence ici, la prière. On avait cité la preuve de ceci, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une prière qui est faite sans purification. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. Donc il dit, celui qui ne se purifie pas de al-hadath al-akbar, c'est-à-dire les choses qui annulent la purification, les grandes choses, on va en parler en détail, wal-asral, et les petites, et al-najasa, c'est-à-dire les impuretés, alors pas de prière pour lui. Pas de prière pour lui. فلا بد أن تطهر أن تتطهر من الحدث الأكبر أي الجنابة ومثلها أو مثلها نعم كالحيض والنفاس. Donc il est obligatoire que tu te purifies des grandes choses qui annulent la purification, comme quoi al-janaba, c'est-à-dire quand on est en état de grande impureté après par exemple avoir eu un rapport avec son épouse, ou lorsque un homme ou une femme a eu un rêve, comme ils appellent les rêves érotiques par exemple, et qui se réveille le matin et s'aperçoit que le mani, le sperme est sorti. Donc là il est en état de janaba, qu'ils traduisent en français par grande impureté, qui nécessite quoi ? Le rousse, le grand lavage. وَتَطَهَّرْ مِنَ الْحَدَثَ الْأَصْغَرْ كَالدِّرَاتْ وخروج البول والخائط والاستحاضة إلى آخره. Et que tu te purifies aussi de la petite impureté, yani de la petite, des petites choses qui annulent les ablutions, comme les gaz, lorsque tu as un gaz ou une flatulence, ou lorsque l'urine sort, ou lorsque les excréments sortent, ou lorsque la femme elle est atteinte de métrorragie, l'istihada, c'est-à-dire lorsqu'elle a du sang qui sort en dehors du sang des règles. On a déjà parlé dans nos cours précédents spécifiques aux femmes, et on va en reparler ici dans le chapitre dédié à ce sujet. Et troisième chose dont on doit se purifier, an-najasa. An-najasa ala thawbik أو على المكان الذي تصلي فيه أو على بدنك كما قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. Et tes habits, des vêtements. Oh, on n'a pas traduit. Ani an-najasa, les impuretés qui peuvent se trouver sur tes habits, ou sur l'endroit où tu pries, ou sur ton corps. Et on va voir plus après c'est quoi les impuretés exactement. Comme hein, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, et tes habits purifiés, purifie-les. Donc, ici, il y a trois choses dont on doit se purifier. Hein? Al-janaba, al-hadath al-akbar, hein, ce qui annule les grandes ablutions, c'est-à-dire qu'on doit refaire le rousse, on doit refaire le lavage, ce qui annule les petites ablutions et les impuretés qui peuvent se trouver soit sur notre corps, soit sur nos habits, soit sur l'endroit où on prie. Si on ne se purifie pas de ces trois choses, la salat alak, pas de prière pour toi. Wa taharatu naw'an. Et la purification, elle est de deux catégories. At-tahara bima'na raf'u ma yamna'u as-salat min hadath asghar aw akbar aw min najasa. At-tahara, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'enlever ce qui empêche la prière parmi hein, ce qui annule les petites ablutions ou ce qui annule les grandes ablutions ou les impuretés. Ça, c'est ce qu'on appelle at-tahara. Wa bimadha tarfa'u hadhihi? Et avec quoi on enlève ces choses? Avec quoi on se purifie? Tarfa'u bi bilma. Aubi turab. In la tajid al-ma'a. Donc avec quoi on enlève la petite impureté, la grande impureté, hein, ou les petites choses qui annulent les ablutions, les grandes choses qui annulent les ablutions, et les impuretés avec quoi? On les enlève avec l'eau. Avec l'eau, ou alors avec la terre, le sable, on va le voir en détail, hein, al-tayammum. Hein? Si on ne trouve pas d'eau. Voilà pourquoi il dit ahaduhuma at-taharatu bilma wa hiya al-asl. Et donc la première des catégories de la purification, c'est la purification avec quoi? Avec l'eau. Et c'est ça la base. C'est avec l'eau. Attention. Il y a des gens, l'eau est présente, l'eau est disponible, il fait tayammum. Il est ni malade, il a rien, il fait tayammum. Parce qu'ils pensent que tahara, c'est soit, que la purification, c'est soit avec l'eau, soit avec la terre. Khata. Al-asl huwa al-ma. La base, c'est l'eau. D'accord? Voilà pourquoi ici le shir continue avec le chapitre Babu ahkam al-miya. Tu l'as pas ce chapitre hein, écrit. Même ça, c'est dans cette tabara. Un chapitre des jugements sur l'eau. Là, il va parler de l'eau. Hein, essayez d'avoir dans votre tête, ou même à l'écrit sur votre cahier, l'organigramme du cours. Là, on est dans le fiqh. On est dans le grand chapitre de la purification. Sous la purification, maintenant, on a un sous-chapitre qui est l'eau. Hein? Ouais, parce qu'en fait, ici, selon les maisons d'édition du livre, il y en a, ils ont mis le nom du chapitre avant, et là, ils l'ont mis maintenant. Mais on est toujours dans le sous-chapitre de l'eau. فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ خَلَجَ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ طَهُورٌ يُطَهِّرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ وَلَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ. Ici le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit: toute eau qui descend du ciel ou qui sort de la terre, elle est pure. Et elle purifie hein, ce qui annule les ablutions et les impuretés. Et même si elle a été changée, et si, ou plutôt si, hein, elle a été changée, son goût, sa couleur et son odeur a été changée par une chose pure. On va expliquer ça. On a déjà expliqué un précédemment. Là, on va le revoir, Inch'Allah. يُشِيرُ الْمُؤَلِّفِ إِلَى أَقْسَامِ الْمِيَةِ. Ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous montre ou qu'est-ce qu'il veut nous indiquer? Il veut nous indiquer les catégories d'eau. L'eau, elle a plusieurs catégories. الْقِسْمُ الْأَوَّلِ الْتَّهُورِ. La première catégorie d'eau, c'est l'eau pure. Ou ici, on pourrait dire pure et purifiante. Pure et purifiante. Ou al-ma tahur fi nafsihi wa mutahhir li ghayrihi. C'est l'eau qui est pure en elle-même et qui peut purifier autre qu'elle. Comme quoi? Mithlu al-ma'u min as-sama'. La pluie, l'eau qui vient du ciel. Al-matar. La pluie. Al-ma'u alladhi yakhruju min al-'uyun wal yanabi'. وكذلك الماء من الأنهار والماء ماء البحر كما جاء في الحديث والطهور ماؤه الثلج وغير ذلك. Donc c'est quoi l'eau qui est pure en elle-même et qui peut purifier, qui est purifiante? C'est l'eau qui vient du ciel, la pluie, ou l'eau qui sort des sources, hein, des sources d'eau. Hein? Ou l'eau des rivières, l'eau des fleuves, et même l'eau de la mer. L'eau de la mer. Comme il a été rapporté dans le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Quand il a été questionné sur l'eau de la mer, il a dit Watahuru mahu. Son eau est pure. Dans ce hadith, il y a une histoire. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on travaille sur un bateau et on apporte avec moi, avec nous, nahmilu ma'ana qalila min al-ma. On apporte avec nous sur le bateau un peu d'eau douce. Si on fait les ablutions avec l'eau douce, on ne peut pas boire. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer? Ils sont sur un bateau, l'eau de la mer elle est en profusion. Alors le prophète a dit quoi? Tahuru ma'uhu hillu mayitatuhu. Il a dit son eau est purifiante. Ou son eau est pure. C'est-à-dire prenez l'eau de la mer et faites les ablutions avec. Et la bête morte de la mer est licite. C'est-à-dire que si tu trouves un poisson mort, tu as le droit de le manger. Hein? Contrairement à si tu trouves un mouton mort, tu ne sais pas comment il est mort, il est haram. Hein? Mais tout ce qui provient de la mer, c'est halal. N'importe quel animal qui vit dans la mer et que tu trouves mort, tu as le droit de le manger, même si tu ne sais pas comment il est mort. Al-Muhim. Ça, c'est la première catégorie. وَهَذَا الْقِسْمُ مُتَّفَقٌ عَلِيهِ. Cette première catégorie, tous les savants sont d'accord sur cette partie. ثَانِيًا النَّجِسْ. وهو الماء الذي وقع فيه نجاسة كالبول وتغير لونه أو طعمه أو ريحه لأن هذه أوصاف الماء مثلا وقع في إناء قطعات من البول وقد تغير لونه فهذا الماء نجس وهذا القسم متفق عليه. La deuxième catégorie, mes frères, c'est l'eau impure. L'eau impure, c'est-à-dire une eau dans laquelle est tombée une impureté, comme par exemple l'urine d'être humain. L'urine d'être humain. Si l'eau ou si l'urine tombe dans l'eau et change la couleur ou change le goût, ou change l'odeur, ces trois caractéristiques, c'est les caractéristiques de l'eau. L'eau, elle a une odeur. L'eau, elle a un goût. L'eau, elle a une couleur. Si elle est changée, si une de ces trois caractéristiques est changée, hein, alors l'eau devient impure. Comme par exemple, tu as un récipient, et dedans, hein, le petit de la maison, il vient et il urine dans le récipient. Et la couleur change. Alors cette eau est devenue impure. Et ça, pareil, là, il y a le consensus des savants de l'islam sur cette catégorie d'eau. Thalifan at-tahir. Wa'ada al-qism ikhtalaf al-ulama fihi. Troisième catégorie, c'est ce qu'on pourrait traduire par l'eau pure, non purifiante. Pure, mais non purifiante. Hein, et c'est cette catégorie que les savants ont divergé. Ou sur laquelle les savants ont divergé. Akthar al-ulama, bel al-a'imma al-arba'a, ala anna al-qisma thulathiyya. Al-tahour, wal-najis, wal-tahir. Wa huwa al-ma. الذي وقع فيه شيء طاهر فغيره فيقال له طاهر وحكمه هو الطاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. Donc la plupart des savants, même les quatre imams, c'est-à-dire Abu Hanifa qui est mort en Malik, Shafi'i, Ahmed, hein? Arsène, 241 Ahmed. Non. Les quatre imams, pareil, sont d'accord pour dire que les catégories d'eau sont au nombre de trois. D'accord? C'est-à-dire pure et purifiante, impure et pure et non purifiante. D'accord? Donc l'eau qui est pure et non purifiante, al-ma ou tahir, c'est l'eau dans laquelle est tombé quelque chose de pur et qui a changé une des caractéristiques de l'eau. Hein? Donc on dit qu'elle est pure, mais qu'elle ne peut pas purifier autre qu'elle. Comme si tu prends... On va donner un exemple après. لا ينفع تغتسل ترفع الجنابة لا ينفع تتوضأ وترفع الحدث الأصغر عندهم مثلا الشيء أليس هو ماء واختلط معه شيء هذا ماء طاهر وغيره طهور ومطهر لغيره. Comme par exemple, où eux, ils disent quoi, les savants de cette catégorie d'eau, qu'elle ne peut pas te profiter pour enlever ton état de janaba, de grande impureté. Et également, elle ne peut pas te profiter pour faire les ablutions. Pourquoi? Parce qu'elle est pure, mais elle ne peut pas purifier autre qu'elle. Comme par exemple, le thé. Le thé, n'est-ce pas que c'est de l'eau? Le thé, c'est de l'eau dans laquelle on a mélangé du thé. Et qui a changé la couleur, l'odeur et le goût. Donc le thé, il est pur, c'est pur en soi, mais ça ne peut pas purifier. Hein, quelqu'un qui fait des ablutions avec le thé, est-ce que ces ablutions sont valides? Non. Fahimtoum, vous avez compris. Hein? Taïb. Faradda alayhim man yaqul anna al-qisma thana'iyya. Tahour wa najis. Qalu hada laysa ma'a. هذا ليس بماء لكن هذا شيء أي إنسان ينظر يقول هذا شيء وليس بماء فاختلف عن النوع والمؤلف مع بعض المحققين كالشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني كل أولاه يرون أن القسمة ثنائية يقولون إذا وقع في الماء شيء طاهر فينظر إن تغير أحد أوصاف الثلاثة ينسب لهذه المادة وإن وقع وما تغير أحد أوصاف الثلاثة يقال هذا الماء. Mais les autres savants, ils ont répondu à cela. Ils ont dit, les savants qui disent que l'eau est que de deux catégories, un est pur et impur, c'est tout. Ils ont dit, ce thé qui est devant toi, c'est plus de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est du thé. Si tu regardes Hein, ici, tu regardes dedans, tu vois du thé. Tu vas dire c'est du thé ou c'est de l'eau? Tu vas dire c'est du thé, donc ça ne rentre plus en considération. D'accord? Donc eux, ils voient, comme par exemple, comme l'a mentionné ici l'auteur, hein, l'auteur du livre, il voit ça. L'auteur du livre, et Shirou Islam Taymiya, et Shokani, et Sanani, et d'autres parmi les savants, eux, ils disent qu'il n'y a que deux catégories, pur et impur. S'il y a quelque chose de pur qui tombe dans l'eau et qui change soit l'odeur, soit le goût, soit la couleur, alors on ne dit plus que c'est de l'eau, on dit que c'est cette chose qui est tombée dedans. Hein? Si par exemple tu fais tomber de l'encre, l'encre c'est pur, dans l'eau, et ça change la couleur, tu dis c'est de l'encre ou c'est de l'eau? Ça y est, c'est de l'encre, c'est plus de l'eau. Mais si une chose pure tombe dans l'eau et ne change pas les caractéristiques de l'eau, donc ça reste de l'eau. Hein? Des fois, tu peux avoir par exemple un barigot et tu mets un sachet d'eau dedans, un sachet de thé. Le sachet de thé, il ne va rien faire. Au bout d'un moment, l'eau, elle va se dissiper, le sachet va se dissiper. On ne va plus voir que ça a changé. Donc ça reste de l'eau. Vous comprenez la différence? Taïb. Et on dit le Cheikh Sa'di, rahimallahu ta'ala, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح. Comme il nous dit, donc là Cheikh Sa'di, pour justifier son avis, il dit comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Il a dit quoi? Certes l'eau est pure, il n'y a rien qui la rende impure, comme l'a rapporté Ahl al-Sunan. C'est qui Ahl al-Sunan? Là. Ah, là. Ahl al-Sunan. C'est pas les semaines Ahl al-Sunan, il y a Ibrahim. Hein? Matadris? Là. Ahl al-Sunan. Quand ils disent rapporté par Ahl al-Sunan, les gens des Sunan, c'est qui? Ahsan. Les quatre, c'est qui? Nasaï et votre frère Ibn Majah. Eh ouais, Ahl al-Sunan, Bukhari Muslim ne rentre pas dedans. Leur livre, c'est pas Sunan, c'est Sahih. Hein? Et si Bukhari Muslim il rapporte le hadith, est-ce qu'on va dire rapporté par Al-Sunan? On n'a pas besoin de Tirmidhi de rapporter. D'accord? Donc là, quand on dit Al-Sunan, c'est que les quatre imams qui ont écrit Al-Sunan, Sunan Abu Daoud, Abi Daoud, Sunan Al-Tirmidhi, wa Al-Nasa'i, wa Ibn Majah, hein, c'est eux, ils ont rapporté les quatre dans leur livre. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément authentique, attention. Hein? Même si les quatre ont rapporté le hadith, ça ne veut pas dire qu'il est forcément authentique. Faites attention à cela. والحديث صحيح والحديث صحيح الحديث هو اوتنتيك كما لو اوتنتيفي لي سافون دو حديث كما العلامه شيخ الالباني رحمه الله تعالى. ففي هذا الحديث الماء اما يكون طهورا واما يكون نجسا. هذا الدليل للذين يقولون ان القسمه ثنائيه وهو الصحيح. لهذا رسول لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه أثر العجين والحديث صحيح. Et donc dans ce hadith il y a deux choses, soit l'eau est pure, soit l'eau est impure. Il y a pas une troisième catégorie. Donc ça c'est la preuve de ceux qui disent que l'eau est de deux catégories seulement, pure ou impure. Il y a pas de quelque chose qui s'appelle pure mais impure mais non purifiante. D'accord? Et ils ont mentionné même que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions avec de l'eau dans laquelle était tombée hein, de l'ajin, la pâte qu'on fait pour le pain, etc. Hein? C'est pur ou c'est pas pur? La pâte, c'est pur. Non, la pâte, elle est pure. Elle est pure. Hein? Non, elle est pure, mais le prophète a quand même fait ses ablutions avec. Il a pas dit, ah, il y a quelque chose qui est tombé dedans, c'est pur, mais c'est plus. Hein? Il a fait sa ablution. Donc les ulémas, hein, ceux qui justifient la classification en deux catégories, ils utilisent ces preuves-là. Wallahu ta'ala a'alam. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. Et donc là, il termine, hein, Cheikh Saadi, rahimallahu ta'ala, en disant, donc si une des trois caractéristiques de l'eau a été changée par une impureté, alors l'eau devient impure. Et on doit s'en écarter. Hein, on n'a pas le droit de l'utiliser pour les ablutions et autres. قال المصنف رحمه الله تعالى والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. Et là l'auteur maintenant il mentionne une qaïda, une règle dans l'islam. La base dans les choses, la base dans les choses de la dunya, c'est la pureté et la permissibilité, le caractère illicite. Ça c'est la base. On va expliquer ce que ça veut dire. الأصل في الأشياء هي الطهارة حتى يأتي دليل أنها نجسة والأصل فيها هي المباحة أو الإباحة حتى يأتي دليل أنها محرمة لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أليس هذا ابتنان من الله سبحانه وتعالى. لا يقال الأصل في الأشياء النجاسة أو التحريم فمن أين عرفنا أن الخمر حرام مثلا من النص والعقل والعقل يوافق لذلك لأن في الضرر فلهذا يقال العقل السليم يوافق النقل الصحيح. Donc la base dans les choses c'est la pureté jusqu'à qu'il y a une preuve qui vient te montrer que c'est impur. Et la base dans les choses, c'est la permissibilité, le caractère licite, jusqu'à qu'il y a une chose qui vient te montrer que c'est haram, illicite. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Et ça, n'est-ce pas une grande gratitude de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Après, laisse un trou et après on revient dessus et tu complètes. On a dit, ça c'est, mes frères, pour celui qui prend des notes, hein, la voie à suivre, la méthodologie, hein, on prend ce qu'on entend, on écrit ce qu'on écoute. Quand le oustad ou le shir, il fait le cours, tu écris, hein, ce qu'il dit, tu écris les enseignements. Il est possible qu'il y ait quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas suivi. Est-ce que tu vas attendre, réfléchir, qu'est-ce qu'il a dit, demander au camarade? Non, parce que le prof ou l'oustad, lui, il avance. Toi, tu perds tout ce qu'il dit après. Et en plus, tu déranges ton camarade, lui, il est en train d'écrire, tu le déranges, lui, boum, il a perdu, tout le monde a perdu. Donc c'est quoi, hein, c'est quoi la méthode? Si tu as quelque chose que tu n'as pas entendu, ou t'as pas noté, ou t'as pas compris, tu laisses un trou. Et tu continues à ce que l'oustad ou le shir dit. Tu continues et tu laisses le trou. À la fin du cours, tu vas voir ton camarade. Il a dit quoi ici, l'oustad ou le shir? Et tu complètes. Si lui, il sait pas, il a pas écrit, tu écoutes l'audio, alhamdoulilah, on a une époque où il y a des audios, les cours sont enregistrés, tu reviens à l'audio et tu réécris. Ou alors, à la fin du cours, si l'oustad ou si le shir, il est accessible, tu vas le voir, tu dis, il y a shir, il y a oustad, j'ai pas compris ici, ou j'ai pas à noter, tu peux me redire. Hein, ça, c'est la bonne, pour pas perdre de temps et pour pas perdre, hein, de fawaïd, de bénéfices. Donc la base dans les choses, c'est la pureté, et c'est quoi? La permissibilité, yani le caractère licite. Tayeb, si on dit ça alors, comment on sait que l'alcool il est haram? On sait que l'alcool il est haram parce qu'il y a des textes dans le Coran et dans la Sunna qui viennent le confirmer que c'est haram. Et aussi, hein, la raison saine, elle vient confirmer les textes. Parce que comme les ulémas citent, hein, la raison saine confirme les textes authentiques. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh al-Islam, il a écrit un livre, hein, Rahimallahu ta'ala, Dar al-Ta'arud bayna al-Aql wa al-Naql. Salam wa rahmatullah. ما فيه التعارض بين العقل السليم الذي هو على الفطرة وبين النقل الصحيح الذي هو خال من الضعف والكذب. Donc, celui qui a une raison saine, sa raison viendra toujours confirmer les textes authentiques. Bien sûr, la chose qui est primordiale, c'est les textes authentiques. C'est le texte avant la logique. Ça, c'est la règle en islam. On entend le texte, on entend le verset du Coran, on entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on applique. Et on ne dit pas, non, ma logique ne comprend pas ceci, non, mon esprit n'arrive pas à comprendre cela, donc je ne prends pas. Non. Et souvent, mes frères, on cite, et on va le reciter, hein, certaines personnes égarées qui ont fait passer leur intellect, leur logique avant les textes. Comme par exemple, quel hadith? Le hadith de la mouche. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une mouche tombe dans votre verre, retrempez-la dedans avant de l'enlever. Parce que dans une aile, il y a le poison, dans l'autre aile, il y a le remède. Le hadith fi Sahih Bukhari. Certains penseurs musulmans disent non. Moi, ce hadith, je ne le prends pas. Je ne le prends pas parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas dans mon intellect. Subhanallah. Il avait passé sa logique, son intellect avant les textes. Alors que le musulman doit faire passer ses textes, doit faire passer les textes avant sa logique et avant son intellect. Et c'est quoi la preuve de ceci? Hadith. Hadith de qui? C'est quoi la preuve de qu'on doit faire passer les textes avant notre logique? Comment? Quelqu'un va dire, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Allah nous a donné une logique, Allah nous a donné un cerveau, un intellect pour réfléchir. Donc on prend notre logique en premier. C'est quoi la preuve qui vient refuter cela? Il y a beaucoup de preuves. Mais il y a un hadith qui est clair. Il y a un hadith qui est clair et qu'on a souvent cité. Hadith de Ali ibn Abi Talib. Dans quel sujet? Ahsan. Ali radiallahu anhu a dit, hein, si l'islam était basé sur la logique, on aurait essuyé le dessous des chaussettes au lieu d'essuyer le dessus. Pourquoi? Parce que c'est le dessous qui est sale. C'est le dessous des chaussettes qui est sale. Donc normalement, si je suis logique, je vais nettoyer le dessous. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le dessus. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Si le prophète l'a dit, on ne dit pas non, ma logique veut que, hein, on délaisse cela. Tayyib. Tayyib. Donc la base dans les choses, c'est la pureté et la permissibilité. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. Il dit l'auteur, si le musulman a des doutes concernant, hein, une impureté dans l'eau ou sur les habits ou sur l'endroit où on prie ou sur autre que ceci, hein, la base c'est quoi? C'est que c'est pur. La base, c'est la pureté. Al-yaqin la yazulu bi shak. Ça, c'est une règle aussi en islam. L'islam est fait de règles. Ça, c'est une règle en islam. Al-yaqin la yazulu bi shak. Hada qa'idatun fiqhiyatun. Mathalan, labista thawban wa kharajta min baytik wa anta mutayaqqin annahu tahir. وصليت صلاة المغرب به فلما جئت لتصلي العشاء أنت شككت هذا الثوب كان فيه نجاسة فترفع هذا الشك باليقين أنك خرجت من البيت وأنت متيقن هذا الثوب كان طاهرا فإذا هو طاهر. C'est quoi la règle en islam? La règle en islam, c'est que la certitude ne peut être enlevée par le doute. La certitude ne peut être enlevée par le doute. C'est-à-dire que le doute ne vient pas annuler la certitude. Ça, c'est une règle dans le fiqh. Par exemple, tu sors, tu t'habilles, tu mets un habit, tu mets un qamis. D'accord ? Tu sors de chez toi. Tu es persuadé, tu es sûr que le qamis, il n'y a pas d'impureté dessus. Tu vas, tu pries le Maghrib. Ensuite, tu viens pour prier l'Isha, maintenant tu doutes. Subhanallah, est-ce que ce qamis, je l'ai mis, il n'y avait pas... Est-ce que mon fils ne m'a pas uriné sur le qamis? T'as un doute. Hein? Alors comment t'enlèves ton doute? Tu enlèves ton doute avec la certitude que tu avais, que t'es sorti avec un qamis qui était pur, qui n'avait pas d'impureté. Donc tu enlèves le doute avec quoi? Avec la certitude. Et ça, mes frères, c'est le remède pour tous nos frères et nos sœurs qui sont touchés par les al-wasawis, qui est un des grands, grands mâles qui touche la communauté. Malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, shaytan, na'natullahi alayh, vient troubler leur religion avec les wasawis, avec les doutes. Est-ce que j'ai mes ablutions? Est-ce que j'ai un gaz? Est-ce que je suis pur? Est-ce que j'ai prié comme ça? Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai pas dormi? Toute sa vie, c'est des wasawis. C'est une maladie, mes frères. Et je ne souhaite à personne d'être atteint par cette maladie. Car ceux qui sont atteints par cette maladie pourront vous le confirmer, leur vie est très difficile. Il nous est rapporté certaines personnes qui font 10, 15, 20 fois les ablutions avant de prier. Tellement qu'ils doutent, ah, j'ai oublié la tête, oh, j'ai oublié l'oreille. Oh, Il nous est rapporté des personnes qui vont aux toilettes et qui utilisent au moins 3, 4, 5 bouteilles pour se nettoyer. Tellement qu'il a peur qu'il reste une impureté. Et ça, pas de doute que c'est des doutes que Shaitan met dans la personne pour la troubler dans ses adorations. Et pour faire quoi? Pour l'éloigner de son adoration. Donc la personne, hein, elle doit avoir ses règles en tête et les mettre en application. Tant que je suis sûr, le doute ne va pas venir enlever cette certitude. La base, c'est que j'ai fait mes ablutions normalement. Est-ce que j'ai fait les bras? Non, ma certitude, j'ai fait. Je ne vais pas essayer. Non, allez, je refais. On ne sait pas. Je vais refaire. Non. Al-yaqin la yazoul bi-shak. Demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à nos frères et sœurs qui sont touchés par cette maladie, hein, qui ravage malheureusement la vie de ces personnes. Surtout ça arrive souvent chez les nouveaux convertis, par exemple. Les nouveaux convertis, ils sont convertis fraîchement à l'islam, hein, ils sont motivés, ils sont pleins de motivation, ils veulent faire les choses bien. Mais tellement qu'ils veulent faire bien, ils veulent tout faire bien, ils doutent de beaucoup de choses. Donc non, il faut les rassurer, il faut dire que l'islam, ce n'est pas la difficulté. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en islam. Allah, il ne met pas la difficulté dans sa religion. Hein? Donc ça, c'est un sujet qui mérite un cours à lui tout seul. Ça, ou même plusieurs cours, une série de cours sur ce sujet. Malheureusement, hein, ce n'est pas le moment. On va continuer. وقال المصنف رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. Ou alors il est sûr qu'il a fait ses ablutions et après il a un doute, est-ce que j'ai annulé mes ablutions ou pas? Il a un doute. S'il a un doute, il se base sur la certitude, il est donc pur, il va pas se faire tromper par les doutes. Tayeb, ya akhi, c'est quoi ta preuve? Là tu parles, mais tu ne cites aucune preuve et tu nous as dit que le fiqh ma'alifatul ahkam al-shar'iyya bil adilla, c'est la connaissance des jugements religieux avec des preuves. Donne-nous des preuves. L'auteur du livre vous donne la preuve. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه. La preuve de ceci, mes frères, de cette règle, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant un homme qui a eu un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de son ventre durant la prière? Est-ce qu'il y a eu un gaz? Et ça arrive, je suis sûr qu'on a tous connu ça dans notre vie. Oh, est-ce que j'ai un gaz? Je ne suis pas sûr, j'ai un doute dans la prière. Et tu passes toute ta prière à réfléchir à ça. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais, tu es là, tu bouges, tu parles, mais tu ne sais pas, tu penses que quoi? J'ai un gaz, j'ai pas un gaz, j'ai un gaz, j'ai pas un gaz. Hein? Et Shaitan, il te perturbe. Jusqu'à quand il va te faire sortir de ta prière? Tu sors ta prière, tu vas refaire les ablutions. Tu refais tes ablutions, tu pries, boum, la même chose. Wallah, des frères, j'ai entendu 4-5 fois, ils refont la prière. La même prière, ils la refont 4-5 fois. Une heure. Tu l'attends, t'as rendez-vous avec lui, mais t'étais où? Ouais, j'ai prié 4 fois, 5 fois, parce que j'ai cru que j'ai eu un gaz. Allah Akbar. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne le remède. Celui qui doute, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de son ventre dans la prière? Il ne sort pas de la prière jusqu'à qu'il ait entendu un bruit ou qu'il ait senti une odeur. La certitude. T'entends un bruit, c'est la certitude. T'entends un bruit que t'as eu un gaz, c'est khalas, t'as eu un gaz. Tu sens l'odeur, pareil, c'est un des signes que t'as eu un gaz. Tu sens une odeur, la certitude, khalas. T'entends un bruit, tu sors. Tu vas refaire les ablutions. Tu sens une odeur, tu sors. Si tu n'entends pas de bruit, tu ne sens pas d'odeur, tu continues à ta prière. Tu continues ta prière et tu laisses ça derrière toi. Hein, et si Shaitan te perturbe trop dans ta prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Hein, tu crachotes trois fois sur ton côté gauche, hein, en disant « A'udhu billahi min shaitan al-rajim » afin d'écarter, de repousser, hein, cet ennemi déclaré. L'explication de cela, kana yusalli wajahahu shak kana khalaja minhu shay fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadha al hadith. Ani, cet homme il priait, ou ici c'est comme si un homme priait, hein, et un doute qui est venu, est-ce que il y a un gaz qui est sorti ou non, le doute est venu, alors le prophète nous a donné le remède avec ce hadith. Lianna idha khalaja sawt أو وجد ريح يتيقن الآن أنه أحدث فهو دليل القاعدة هذا لكل العبادات هذه القاعدة من القواعد العامة أخذت من النصوص وساقوها مساق قاعدة ويدخل فيها فروع كثيرة جدا. Donc si un bruit sort, ou si une odeur est sentie, hein, ceci vient prouver, vient affirmer, vient rendre certain que tu as perdu tes ablutions. Et donc ça, c'est la règle, ça c'est la preuve de cette règle. Hein, et ça, c'est valable pour toutes les adorations, pas seulement la prière. Tu jeûnes, subhanallah, j'ai mangé ou j'ai pas mangé, je m'en veux plus. Tant que t'as pas de preuve, tu continues sur la certitude. D'accord ? Pour toutes les adorations. D'accord ? Donc ça, c'est une règle générale et qui a été tirée, hein, des textes du Coran et de la Sunna, et que les ulémas ont donc mentionné, hein, pour la communauté musulmane. Il reste combien de temps là, mes frères ? Khalas. On a fini le chapitre de l'eau, et de la semaine prochaine, on commencera le chapitre Babu Ahkami Al-Aniya. Hein, les récipients. Les récipients. Pourquoi on parle des récipients? C'est là où on met l'eau. C'est là où on met l'eau pour faire les ablutions. Donc on doit savoir les règles concernant le récipient. Est-ce que je peux prendre n'importe quel récipient? Hein? On va voir ça la semaine prochaine, inshallah. Fa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.